Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, le règlement européen sur les services numériques. Haine, manipulation, désinformation, contrefaçon sont des dérives qui touchent de plus en plus les contenus en ligne. Alors pour protéger les Européens, un nouveau règlement sur les services numériques, DSA, vise à encadrer les activités des plateformes, en particulier celles des GAFAM. Alors les GAFAM, il s'agit d'un acronyme formé par l'initiale des 5 entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les obligations prévues par ce texte doivent entrer en application le 17 février 2024. Pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, ils seront concernés plus tôt, et cela depuis le 25 août 2023. Alors quels sont les objectifs du règlement ? La législation sur les services numériques veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Elle fixe un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou bien encore de produits illégaux. On parle de d'attaques racistes, d'images pédopornographiques, de désinformation, de vente de drogue ou bien encore de contrefaçon. Cette législation succède à la directive du e-commerce du 8 juin 2000 qui est devenue dépassée. Alors les objectifs sont multiples. Le premier est de mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux qui sont la liberté d'expression et la protection des consommateurs. Mais également aider les petites entreprises de l'Union européenne à se développer. Et enfin renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer leur risque systémique de manipulation d'informations. Alors quels sont les acteurs visés par ce règlement ? Le règlement doit s'appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services, biens, contenus ou services, sur le marché européen. Peu importe que ces intermédiaires soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde. Sont notamment concernés les fournisseurs d'accès Internet, les services d'informatique en nuage, les fameux cloud, les plateformes en ligne comme les plateformes de marché, les boutiques d'applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu, mais également les plateformes en ligne comme les places de marché, les fameuses marketplaces, les boutiques d'applications, bien encore les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu ou bien encore les plateformes de voyage et d'hébergement. Alors qu'est-ce que va changer le fameux Digital Service Act, le DSA ? Alors il prévoit de nombreuses mesures qui sont graduées selon les acteurs en ligne en fonction de la nature de leur service et de leur taille. Les très grandes plateformes, les moteurs de recherche, sont soumis bien entendu à des exigences plus strictes. Tous les acteurs en ligne vont devoir désigner un point de contact unique, ou s'ils sont établis hors Union européenne, un représentant légal et pouvoir coopérer avec les autorités nationales en cas d'injonction. Les autres obligations, quant à elles, peuvent être classées en trois catégories. La première est la lutte contre les contenus illicites. En effet, les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal. La deuxième mesure sera la transparence en ligne. Ainsi, les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte, par exemple, a été suspendu ou résilié, de contester cette décision. Et enfin, la troisième catégorie est l'atténuation des risques et une réponse aux crises. Les très grandes plateformes et moteurs de recherche jouent un rôle très important et influent sur la sécurité en ligne, la diffusion de l'information, la formation de l'opinion publique et les transactions économiques. C'est pourquoi d'autres mesures leur sont imposées, proportionnées aux risques sociétaux qu'ils représentent lorsqu'ils diffusent des contenus illicites ou préjudiciables, comme la désinformation. Enfin, terminer, quelle surveillance et quelles sanctions en cas de non-respect de ce règlement. Dans tous les pays de l'Union européenne, un coordinateur des services numériques, autorité indépendante désignée par chaque État membre, est mis en place. En France, le coordinateur national sera l'ARCOM, tel que prévoit le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Dans d'autres pays, il s'agira aussi de l'autorité des médias. En cas de non-respect de ce règlement, des astreintes et sanctions pourront être prononcées. Pour les très grandes plateformes et moteurs de recherche, la Commission pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Enfin, en cas de violation grave et répétée au règlement, les plateformes pourront se voir interdire leur activité sur le marché européen.